Il professor Chatelier è in qualche modo lo straniero della squadra italiana, è il nostro asso, il nostro Platini in questo caso, insomma. E quindi tocca a me iniziare i lavori di questa mattina. Appunto vale sempre la pena di ripetere che è così noto il professor Chatelier da non aver bisogno di presentazione, anche perché in Italia sono state tradotte le due opere non principali nel senso della ricerca scientifica, perché poi bisognava andare all'altra grossa opera sulle riforme nella Lorena. Ecco, ma sono state tradotte già nel 1988 l'Europa dei Devoti, che era apparsa l'anno prima in francese, e poi ultimamente appunto La Religion des Pauvres, apparsa nel 1993 e tradotta in italiano nel 1994 sulle missioni rurali e la formazione del cattolicismo moderno. Ecco, nel titolo stesso appunto noi troviamo questo problema del cattolicismo moderno, ecco. E nella giornata dei lavori di oggi ci spostiamo proprio al confine tra i fenomeni, diciamo così, politici, costituzionali e sociali di cui abbiamo parlato ieri, e poi appunto diciamo nel parallelo tra le tecniche di dibattito conciliare e l'evoluzione complessiva dell'esperienza politica dell'epoca. Oggi ci portiamo sulla frontiera appunto che guarda verso l'interno di questo cattolicismo moderno, ecco, ed è la questione che abbiamo chiesto a Chatelier in qualche modo di approfondire qui con noi. Merci beaucoup. Grazie. Merci beaucoup, professeur Poddy. Je m'excuse de prononcer cette communication en français, mais pour une longue communication d'une heure, préférez le faire dans ma langue. Vous avez des résumés en allemand et en italien. La pastorale n'est pas né avec le Concile de Trente. Depuis longtemps, il y avait des curés qui s'occupaient activement de leurs paroissiens ou des missionnaires, comme Vincent Ferrier, et qui entraînaient les foules dans leur sillage et prêchaient la pénitence. Le fait nouveau, il est dans les exigences considérables du Concile. Il ne s'agissait plus de corriger tel ou tel point de doctrine, mais de définir et de présenter l'ensemble de la doctrine catholique. Il ne s'agissait pas de s'adresser au seul clerc, mais à l'ensemble du peuple chrétien qui avait désormais l'obligation de connaître l'enseignement de l'Église dans son entier et de le pratiquer. La mission d'informer, d'enseigner et de corriger avait été confiée aux évêques qui retrouvèrent ainsi dans leur plénitude leur fonction primitive. Ils pouvaient s'en acquitter à la perfection, l'exemple de Charles Borromée est dans tous les esprits, mais il y avait d'autres exemples. Des évêques de province souvent reculés, comme l'évêque de Verdun, Nicolas Psaume, qui accomplit une œuvre identique à Charles Borromée dans les cadres plus restreints de son évêché de Verdun, ou encore, ce que M. Reinhardt connaît beaucoup mieux que moi, les évêques de la province d'Avignon. Mais il ne suffisait pas d'instruire les clercs. Il fallait s'assurer que cet enseignement était transmis aux fidèles et que ceux-ci le mettaient en pratique dans leur vie quotidienne. À ce niveau, deux obstacles considérables se présentaient et semblaient insurmontables. Premier obstacle, la qualité très inégale du clergé séculier, avant la mise en place des séminaires exigés justement par le Concile de Trente. Il fallut finalement deux siècles pour que cette exigence du Concile fût réalisée. Et deuxième handicap, l'existence d'une population analphabète à 90%, 95% au XVIe siècle, ce qui rendait illusoire toute action pastorale reposant sur l'imprimé. Un problème donc capital se posait, c'était celui des relais entre le magistère et le peuple chrétien. Qui pouvait bien accomplir cette mission? Des prêtres. Mais jusqu'à quel point? Une élite chrétienne. Mais comment touchera-t-elle les pauvres, les ignorants? Ces pauvres mêmes vont-ils être amenés à se faire missionnaires? Mais cela est-il compatible avec le rôle imparti à la hiérarchie par le Concile? Et n'y a-t-il pas risque de déformation de la doctrine? Tels sont les enjeux qui se posent au moment de la clôture du Concile de Trente. Il convient de remarquer que le Concile coïncide avec l'apparition d'un nouveau type de prêtre, à la fois régulier, car appartenant à un ordre religieux, avec ses règles, sa hiérarchie, et en même temps séculier, car appelé à agir dans le siècle pour des tâches apostoliques, les missions pastorales proprement dites, la direction de cure, et aussi la formation de futurs prêtres, la direction de séminaires. Ce sont les compagnies de prêtres. La plus célèbre, c'est la Compagnie Jésus, fondée en 1540 par Ignace de Loyola, mais il y en a d'autres. Celle, par exemple, de la Compagnie des prêtres de l'Oratoire en France, fondée par Pierre de Bérulle en 1611, ou aussi les prêtres de la Mission, les prêtres de la Mission, fondés en 1625 par Vincent de Paul, plus connu en Italie sous le nom de Lazaristi. Quels étaient les principes de base de l'apostolat de ces compagnies de prêtres, et en particulier de celle la plus célèbre, fondée par Ignace de Loyola? Elle nous est exprimée par les Constitutiones Circa Missiones, l'un des premiers canevas rédigés par Ignace de Loyola en 1544-1545, des constitutions de la Compagnie de Jésus. Et lui-même, il pratique avant, 10 ans avant, en 1535, cette mission en Guipuscoa, dans son pays basque d'origine. Que faisait Ignace de Loyola lors de sa mission de 1535? Premièrement, il menait la vie d'un pauvre. Il s'intitule lui-même le pèlerin. Ensuite, il instruisait les mendiants, il instruisait les enfants du catéchisme. Troisièmement, il prêchait dans les églises. Et enfin, il s'occupait à diverses œuvres de charité. On peut dire que dès ce moment-là, dès 1535, nous avons l'armature de la mission classique. Prêcher, enseigner aux enfants, faire la charité. Il apprenait également, d'ailleurs, à les prières usuelles, comme par exemple l'Ave Maria. C'est intéressant de voir que 20 ans plus tard, alors que la Compagnie de Jésus en est à ses débuts, en 1554, Ignace de Loyola donna en quelque sorte son approbation à une compagnie de la vénération du Saint-Sacrement dirigée par les jésuites à Napoli. Et dans ces statuts se trouve quelque chose de très neuf dans ce qu'on ne trouve pas encore jusqu'alors dans les confréries du temps, on y trouve le devoir de se réformer soi-même chaque jour, donnant le bon exemple de l'édification, en se confessant et en communiant tous les 15 jours. Le principe de la communion fréquente, de la fréquentation des sacrements, se trouve ainsi mis en pratique, et je trouve qu'il n'est pas sans intérêt de constater que cette confrérie qui développe en quelque sorte la communion fréquente est fondée 2 ans après la session 1551-1552 concile de Trente, où le problème des sacrements est justement débattu. Pour la même époque, nous disposons d'informations aussi sur le contenu de la prédication. Ce contenu de la prédication se trouve indiqué dans les récits de mission d'un missionnaire qui était un contemporain d'Ignace de Loyola, avec lequel il correspondait, Silvestre Landini. Silvestre Landini, de 1547 à 1554, au milieu donc du XVIe siècle, a fait des missions en Italie centrale, en Italie du Nord, et également en Corse. On a d'ailleurs une image assez pittoresque de la Corse au milieu du XVIe siècle, avec les vendettas et les habitudes des habitants. Que prêche-t-il ? Essentiellement une prédication à base de la première semaine des exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Voilà la base de la prédication, c'est-à-dire le péché et ses conséquences. On va retrouver d'ailleurs la même pastorale chez d'autres missionnaires de l'époque. Ignace donne en plus une stratégie missionnaire. Cette stratégie missionnaire, c'est ce que le père Dominique Bertrand, dans sa politique d'Ignace Loyola, a fort bien déterminé. C'est d'essayer de choisir les lieux et les hommes qui permettent le plus grand profit. Le plus grand profit pour la religion. C'est-à-dire qu'on doit préférer une grande ville à une petite ville, qu'on doit préférer un grand pays comme l'Inde à un pays modeste, et qu'on doit préférer les hommes puissants à ceux qui le sont moins. Vous savez que nous avons là l'origine, finalement, de ce qui sera par la suite tellement reproché aux jésuites. Toute une pastorale se dégage donc des directives d'Ignace de Loyola, et aussi toute une stratégie missionnaire. Cette méthode a été appliquée par ses contemporains. Mais elle a été appliquée avec une certaine souplesse. Et lorsque l'on lit les procès-verbaux ou les rapports de mission, on est surpris de constater que malgré Ignace, ses compagnons prêchent encore à la façon de... et se conduisent encore comme des missionnaires de la fin du Moyen-Âge. Ils prêchent, comme on dit, à l'apostolique. À l'apostolique, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu comme des prophètes. Ils apparaissent dans un village, ils n'y restent pas longtemps, 2-3 jours, puis ensuite, après quelques prédications, ils vont vers un autre village, suivis par une troupe de gens qui les écoutent. Ils prêchent en marchant et quelquefois règlent les cas de conscience en marchant également. Il y a là une conduite qu'on va retrouver aux Pays-Bas chez un Bernard Olivier, donc ce n'est pas seulement l'Italie qui est touchée. Un de ses amis rendait compte de sa mission, la foule le suivait, comme les Juifs au temps passé suivaient notre Seigneur tout en cheminant. Vous voyez donc le caractère apostolique qui apparaît dans le texte. Il confessait, résolvait des doutes, donnait des avis et consolait les âmes. Voilà donc le missionnaire du milieu du XVIe siècle. Et cette manière de faire la mission On la retrouve à peu de choses près chez les premiers capucins qui vont apparaître à ce moment-là avec Matthieu de Bassy et se répandre avec le succès que l'on sait dans les campagnes des pays méditerranéens et puis ensuite de l'Europe de l'Ouest et du Nord. Les ordres religieux s'étaient préoccupés d'autre part d'assurer une suite à ce qui restait, à ce qui risquait de rester un choc sans lendemain. Et c'est pourquoi on voit se multiplier les confréries, mais là aussi, avant le Concile de Trente, c'est un phénomène pour les confréries de dévotion qui connaît déjà un plein développement au XVe siècle. L'une des plus célèbres, c'est la confrérie du Rosaire, 1470 à Cologne, 1470, je veux dire, à Douai, 1475 à Cologne, et en 1524, publication par le dominicain Alberto da Castello du Rosario de la Gloriosa Vergine Maria. Avec, ce qui est important, 179 xylographies, c'est-à-dire des images, des gravures sur bois, qui permettaient par conséquent aux illettrés de méditer sur les différents mystères du rosaire. Nous avons là, avec les premières confréries du rosaire, l'essai d'une pastorale adoptée aux illettrés par l'image. Dans la suite, les confréries du Saint-Sacrement, elles aussi d'ailleurs à l'initiative des dominicains, à la suite des révélations de Julienne de Cornimont au XIIIe siècle et de la fondation de la Fête Dieu, établie par Urbain IV en 1269, par la suite, mais longtemps après, nous aurons les premières confréries du Saint-Sacrement, dont le modèle, siège de l'archiconfrérie, va être aussi dans l'église des Dominicains de Rome, Sainte-Marie de la Minerve. Ce sont ces statues qui vont servir de modèle à ces différentes confréries que nous allons voir se développer. 1539. Nous sommes donc avant l'ouverture du Concile de Trente. Et cette confrérie du Saint-Sacrement est naturellement d'une importance capitale parce qu'elle elle développe le culte de la présence réelle. On y trouve développée la doctrine catholique de l'Eucharistie, même si dans un premier temps, la fréquentation des sacrements n'est pas encore demandée avec insistance. Ces confréries du Saint-Sacrement sont là pour honorer la présence du Christ dans les saintes espèces, avec des processions quotidiennes lorsque l'on va porter le viatique aux mourants. Eh bien, 1539-1543, d'après une étude récente, dans un ouvrage qui vient de paraître, de Marie-Hélène Frochelet-Chopard, donc juste avant la réunion du Concile de Trente, les archives de l'archiconfrérie de la Minerve nous donnent 1698 confréries du Saint-Sacrement enregistrées dans l'ensemble de l'Europe. Vous voyez qu'il y a là un élan considérable, un mouvement considérable, en grande partie d'ailleurs, impulsé par les dominicains. Si bien que lorsque les jésuites, en 1563, vont mettre en place leur congrégation mariale dans leur collège, 1563, année de clôture du Concile de Trente, ils s'insèrent dans un mouvement. Ils s'insèrent dans un mouvement qui est déjà très porteur. Mais les confréries des jésuites, les congrégations mariales des jésuites, innovaient sur deux points essentiels. Premier point, et là on voit qu'on est passé d'une époque à une autre, le Concile de Trente est passé entre-temps, premier point, la fréquentation des sacrements. Fréquentation des sacrements, confession par quinzaine, voire chaque semaine, et communion mensuelle au moins. En second lieu, l'établissement d'une règle de vie, avec les prières chaque jour, si possible la messe quotidienne, et également un ensemble d'exercices de piété qui rythment la vie du chrétien. Enfin, quelque chose de très important, l'examen de conscience quotidien, condition indispensable pour permettre la confession fréquente à des gens qui n'ont pas l'habitude de l'introspection. Donc, nous voyons là un exercice qui va devenir essentiel pour préparer la confession tous les 15 jours, l'examen de conscience. Ces congrégations mariales s'adressent essentiellement aux élèves des jésuites. Ils vont faire, par conséquent, de leurs élèves des missionnaires, les plus grands, s'entend. De missionnaires qui vont devenir d'autant plus efficaces qu'entre 1555 et 1566, là aussi les dates sont très importantes, paraissent les différentes éditions du catéchisme de Pierre Canisius, élément essentiel de la pastorale de l'après-concile de Trente. Les jeunes missionnaires des jésuites, les congréganistes, vont disposer par conséquent d'un outil. Certes, cet outil ne va pas être mis à la disposition du public. Dans un premier temps, on a essayé. J'ai étudié les débuts du collège de Molsheim en Alsace et on voit lors de la création en 1580 les bons jésuites arriver avec des ballots. Les annales nous disent qu'ils ont distribué 20 000 catéchismes de Canisius. Les paysans les ont beaucoup remerciés et puis ils ont mis le catéchisme au grenier et ça n'a servi à rien puisqu'ils ne savaient pas lire. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il fallait expliquer le catéchisme, qu'il fallait donc faire des leçons de catéchisme. Donc, ce catéchisme est destiné, naturellement, aux élèves. Aux élèves congréganistes qui vont aller donc porter la bonne parole dans les campagnes ou dans les villes. Le développement va être considérable. Puisqu'à la fin du XVIe siècle, même une région comme la France, où les jésuites rencontrent des oppositions fortes du fait du gallicanisme. Il est très intéressant de constater que la carte des établissements jésuites, des premiers établissements jésuites et des premières congrégations mariales au XVIe siècle, nous donne un véritable encerclement de la zone centrale qui est celle du bassin parisien, du ressort du Parlement de Paris. Mais tout le pourtour, et depuis les Pays-Bas jusqu'à Lyon ou à Toulouse, il y a des centres extrêmement importants et qui vont diffuser très rapidement. Cette action de combiner des nouveaux prêtres et de confrères d'un genre nouveau allait-elle suffire à faire pénétrer le Concile de Trente parmi les chrétiens restés attachés à Rome? Je crois qu'il faut bien voir que les jésuites sont peu nombreux, les capucins ne sortent d'Italie qu'en 1574. Par conséquent, le nombre de missionnaires reste très limité. Et puis surtout, cette action avait deux graves faiblesses. La première, c'était son caractère ponctuel. L'action se passe surtout sur les villes. C'est là que les jésuites s'établissent. Et deuxièmement, elle est éphémère. Cette action est éphémère parce que la mission passée, eh bien, elle était vite oubliée et par ceux qui y avaient assisté, et à plus forte raison par leurs enfants qui n'y avaient pas assisté. Par conséquent, on s'est rendu compte que ce type d'action ne suffisait pas et qu'il était nécessaire d'établir ce que l'on pourrait appeler, en termes modernes, des relais. Des relais indispensables qui peuvent être de plusieurs natures. Premier type, le plus simple, ce sont les curés. Les curés qui peuvent servir de relais à ces missionnaires. C'est eux, au fond, que dans un premier temps, on va chercher à convertir. À la fin du XVIe siècle, le clergé de la fin du XVIe siècle est encore mal connu. Mais ce clergé dispose déjà, même dans les campagnes, de curés de grande qualité. Je donnerai deux exemples. Pierre Fourier, en Lorraine, curé de Matincourt, un petit village du sud de la Lorraine. Mais il prend sa cure en 1597. Il a déjà eu le temps. C'est déjà la première génération d'élèves des jésuites. Il a été formé au collège université de Pont-à-Mousson et il a pris des grades universitaires. Par conséquent, c'est déjà presque un savant. Il est intéressant, nous avons publié sa correspondance il y a peu d'années, de voir avec quel soin, dans les années 1600, il prépare ses sermons pour des simples paysans. Le zèle peut paraître absolument disproportionné, mais il est tout à fait en accord avec les demandes du Concile, de la 5e session, puis ensuite de la 24e session sous Pie IV, 1563, qui insiste très fortement sur l'importance de la prédication. Dans une lettre, il écrit à des religieuses qu'il a passé toute sa nuit à fouiller dans les pères pour faire sa prédication dominicale. Mais lui, il se rend compte aussi que ça ne suffit pas. Il va visiter à domicile ses paroissiens, ce qui rentre déjà dans les habitudes du bon curé. Il va apaiser les disputes. Il va la nourrir, nourrir sa paroisse en temps de disette. Mais surtout, il va essayer de former des petits groupes de laïcs qui vont faire mieux connaître le message chrétien en utilisant la langue des paysans qui sont autour. Et c'est ainsi que prend naissance ce petit groupe qui va donner naissance à la congrégation Notre-Dame, une congrégation de femmes importantes, d'éducatrices, des petites filles, des campagnes dès 1597. Autre exemple. Michel Lenoblet, curé de Douarnenez. Nous sommes là à l'extrême ouest, nous sommes en Bretagne. Michel Lenoblet, lui aussi, est élève des jésuites. Michel Lenoblet, lui aussi, respecte le Concile de Trente. Il passe des journées entières, et nous avons ses cahiers qui sont conservés aux archives de Quimper, dans lesquels il prépare ses sermons. Mais originalité, si on peut dire, sa paroisse est encore plus difficile que celle de Pierre Fourier. Elle est composée non seulement entièrement d'analphabètes, mais essentiellement de pêcheurs, dont on sait qu'une des caractéristiques, c'est de ne pas mettre souvent les pieds à l'église parce qu'ils sont en mer. Alors, il va adapter sa prédication. Et une fois qu'il a bien préparé son sermon, eh bien, il va le transformer sous la forme de cartes, comme ceci. Des cartes qui ont été publiées J'aurais pu vous le donner en noir et blanc, mais ça ne donne pas grand-chose et des reproductions en couleur sont assez onéreuses. Mais vous pourrez vous reporter à l'ouvrage d'Alain Croix et Fañch Rudeau, ce qui s'intitule « Les chemins du paradis ». Il a comme originalité cet ouvrage d'être bilingue, d'être français et breton. Vous avez le français d'un côté, le breton de l'autre côté. Et vous avez toute une série d'images magnifiques qui nous représentent donc les cartes que faisait établir Michel Le Noblet pour expliciter son sermon. Ici, vous avez un sermon qui s'intitule « Le miroir du monde ». Le miroir du monde, vous avez toutes les catégories sociales qui sont présentées. Et puis vous avez les chemins qui mènent, ben, normalement au paradis. Mais quand vous verrez la carte, je la ferai circuler tout à l'heure de près, vous verrez que la voie vers le paradis est étroite et semée d'embûches. Et que même pour ceux qui sont les plus saints, qui prennent la voie étroite, il y a juste avant d'atteindre le paradis, ce gouffre de l'enfer qui les attend et auquel ils doivent échapper. L'enfer, il est là, il est là, il est presque partout. Il y a au sommet Dieu le Père qui attend les bienheureux, mais peu nombreux sont ceux qui y parviennent. Eh bien, cette façon de présenter en image un sermon était naturellement la mieux adaptée pour une population d'analphabètes. Mais Michel Le Noblet s'est rendu compte lui aussi que les cartes ne suffisaient pas, qu'il fallait ensuite répercuter le message. Et le répercuter, même s'il parlait breton lui-même, il fallait répercuter avec des gens qui parleraient plus le langage du peuple. Et ainsi a-t-il formé un groupe de femmes qui allaient expliquer aux femmes à la veillée, ou encore sur les places du marché, dans leur maison, ces cartes qui formaient en quelque sorte des bases de sermons à domicile. C'est important de constater que les curés de simples paroisses, maritimes ou rurales, avaient besoin d'intermédiaires. Et pourtant, ils étaient les mieux placés puisqu'ils connaissaient cette population. Et que ces intermédiaires étaient généralement des femmes. C'est encore plus net dans le cas des missionnaires. Une thèse récente a été soutenue à Lyon par Marguerite Vacher qui montre l'origine d'un groupe de femmes missionnaires autour formé par un missionnaire du Puy, le père Médaille, et qui va former ainsi des femmes placées dans les petits villages, qui elles aussi vont répéter son enseignement. C'est l'origine des sœurs de Saint-Joseph qui existent encore aujourd'hui. Et peut-être que le plus bel exemple, parce que c'est un élément majeur, c'est une œuvre majeure de la réforme catholique, ce sont les filles de charité de Louise de Marillac et de Vincent de Paul. Ces filles de charité de Louise de Marillac et Vincent de Paul ont été établies en 1633 sous Louis XIII à Paris. Et Vincent, elles viennent d'une institution de Vincent de Paul qui s'était rendu compte lui aussi que les missions ne suffisaient pas, qu'il fallait leur assurer une suite. Cette suite, ce sont les dames de charité. Bon, les dames de charité, elles avaient à s'occuper de leur famille. Et la première fonction qu'il va donner à Louise de Marillac quand elle vient se mettre sous sa direction, c'est de faire une inspection de toutes ces confréries de charité qu'elle va fédérer et qui vont constituer qu'elle va organiser en communauté, et ce seront les sœurs de Saint-Vincent de Paul, l'origine des sœurs de Saint-Vincent de Paul qui existent encore aujourd'hui, unissant au fond, comme le voulait déjà Ignace Loyola, l'enseignement, la mission et la charité. Les jésuites s'étaient bien rendus compte aussi que leurs élèves ne suffisaient pas. Leurs élèves ne suffisaient pas parce que soit ils n'en faisaient pas assez, soit ils en faisaient trop. À Cologne, dans les années 1620, on les appelait les Schwickelbrüder, on pourrait dire les frères espions, qui allaient de maison en maison pour constater, pour voir s'il n'y avait pas de sermons hérétiques, de prédicants, pour voir si on faisait le jeûne en carême. On raconte même l'histoire de congréganistes jésuites qui s'étaient introduits dans une maison où le carême n'était pas respecté. Ils ont renversé les tables, ils ont fait un véritable esclandre. Et finalement, ça faisait plus de tort que de bien. Alors, les jésuites se sont rendus compte au début du XVIIe siècle qu'il fallait appliquer un principe auquel Ignace de Loyola était déjà attaché, c'est-à-dire l'apostolat du semblable par le semblable. Grande découverte, extrêmement importante, qui va amener à diversifier les congrégations mariales. Il y aura donc des congrégations de bourgeois, des congrégations de nobles, des congrégations de marchands, des congrégations d'artisans. Mais problème, les artisans, qu'est-ce qu'un artisan? Est-ce qu'on va mettre les compagnons, c'est-à-dire les ouvriers, qui sont des itinérants à l'époque, avec les maîtres? On se souvient des grandes révoltes du XVIe siècle, la grande rebaine de Lyon, de 1529. Alors on va créer une congrégation d'artisans, une congrégation de compagnons. Nouveau problème, est-ce qu'on va mettre les apprentis avec les compagnons qui ont roulé leur bosse, qui ont voyagé dans toute l'Europe, qui sont des hommes faits et qui peuvent, pense-t-on, dépraver des jeunes gens? Alors on va créer aussi des congrégations d'apprentis. Et vous voyez qu'on va suivre toute la structure sociale, toute la structure sociale de la ville, et pour chaque catégorie, il y aura une congrégation mariale spécifique dont l'apostolat va être adapté. Au fond, il s'agit de pénétrer l'ensemble de la société urbaine sans laisser une catégorie sociale hors du champ de l'action apostolique. Oui, mais une fois qu'on a créé ceci, quelle mission donner à ces hommes pleins de bonne volonté, mais dont la plupart, les artisans, les compagnons, les apprentis surtout, sont analphabètes et ont très peu de connaissances théologiques en dehors du catéchisme. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans les hérésies du XIIIe siècle lorsque de simples laïcs se faisaient prédicateurs? Ou plus récemment, dans ce qui s'est passé au XVIe siècle, lorsque l'on a vu ces prédicateurs des haies, comme on les appelle dans les Pays-Bas, qui se sont mis à prêcher, qui se sont investis eux-mêmes d'une fonction de prédicateur. On peut d'ailleurs se demander si certaines grandes congrégations mariales de régions stratégiques, parce que de frontières de catholicité, comme Anvers ou comme Cologne, n'ont pas servi en quelque sorte d'exutoire à ces courants hétérodoxes, survivant plus ou moins, malgré dans la clandestinité, malgré les persécutions. Et si les jésuites n'ont pas essayé de capter une tradition et de l'orienter dans un sens conforme à l'Église catholique, mais avec les risques de déviation de la doctrine. En plus, certains dans la compagnie de Jésus même ne manquaient pas de remarquer que c'était contraire à l'enseignement du Concile de Trente, qui réservait tout ce qui était doctrine, tout ce qui était prédication au magistère. Par conséquent, il y avait là un danger de dérive et peut-être aussi un danger de syncrétisme entre un crypto-protestantisme et un crypto-catholicisme. C'est dans ces conditions qu'un contrôle plus vigilant s'est établi de la part des jésuites. Ils ont créé, en particulier dans ces congrégations d'artisans, des surveillants, Zunftmeister, Rotmeister, qui contrôlaient les rues où il y avait des congréganistes, qui contrôlaient des quartiers. Et qui essayait aussi d'éviter la mauvaise conduite de certains congréganistes. Cette action qui visait finalement à, comme on dirait aujourd'hui en termes policiers, à infiltrer un groupe social pour le transformer, à l'amener à adopter une vie chrétienne, n'était pas propre aux seuls jésuites dans leur congrégation d'artisans. Une congrégation établit une association secrète, établie au niveau national, au niveau de tout un pays, s'est constituée en France en 1630, c'est la fameuse Compagnie du Saint-Sacrement. Compagnie du Saint-Sacrement qui visait justement à contrôler les mœurs et qui visait aussi à la mise en application du Concile de Trente, qui visait par conséquent à la conversion des foules. L'un de ses supérieurs, Gaston de Renty, a travaillé en relation étroite avec un simple cordonnier, Henri Bouche, du pays d'Arlon, dans le duché de Luxembourg, pour, dans des sociétés qui semblaient particulièrement dangereuses, le monde des compagnons qui allaient de village en village, de ville en ville, constituer des associations chrétiennes. C'est l'origine des associations des serviteurs cordonniers et de l'association des serviteurs d'ailleurs. Quel enseignement transmettait-il? Il est très difficile de savoir ce que ces simples ouvriers transmettaient comme enseignement. Il est possible qu'au catéchisme proprement dit se joignait l'intérêt, des considérations d'intérêt. Nous savons par exemple que lorsque les jésuites allaient envoyer leurs congréganistes aux alentours d'Anvers, le dimanche, en 1610-1620, la matinée se passait à apprendre à lire et à compter aux enfants, et l'après-midi au catéchisme. Il y avait donc là, déjà, quelque chose que l'on connaît bien dans les pays du Nord, une sorte d'école dominicale. Mais aussi, il est vraisemblable que c'étaient les groupes les plus fragiles, ceux qui venaient d'arriver dans une ville, qui se trouvaient les plus facilement touchés par ces missionnaires improvisés. Et il est vraisemblable aussi que très vite, le rôle de ces missionnaires s'est limité à conduire vers des prêtres ou vers des religieux les nouvelles recrues. On sait par exemple qu'un prêtre comme Jean-Antoine Levacher à Paris s'est spécialisé dans la conduite des ouvriers, ou encore les pères jésuites que j'ai évoqués tout à l'heure. Comment s'y prenaient à leur tour les pères jésuites? Il est très vraisemblable qu'ils leur apprenaient d'abord le catéchisme, qu'ils veillaient à ce que leur conduite soit satisfaisante, mais il est très vraisemblable aussi, et nous en avons des preuves, qu'ils utilisaient très largement la musique, le chant, pour inculquer les principes chrétiens à ces gens du peuple. On prenait très souvent des airs à la mode et on changeait les paroles. Ce qui se pratiquait chez les ouvriers se pratiquait aussi chez les pêcheurs. Un missionnaire breton bien connu, Julien Monnoir, avait mis tout le catéchisme d'abord en breton, puis ensuite en vers breton, et enfin il avait établi des petites séquences de cantiques. Il était très fier à la suite de ses missions parce que les pêcheurs avaient remplacé leur chanson de marin, leur chant de marin, par ces cantiques qui se faisaient sur le même air. Naturellement, personne ne vérifiait en pleine mer si quelquefois, par l'effet d'un trou de mémoire, ce n'étaient pas les paroles anciennes qui revenaient dans la bouche des chanteurs. Un effort, par conséquent, a été tout à fait et tout à fait notable, et on constate donc le rôle des laïcs comme relais. Mais est-ce en 1650, donc presque un siècle après la fin du Concile de Trente, peut-on dire pour autant que les principes du Concile de Trente sont entrés dans les mœurs? D'abord, l'avance des villes se poursuit aux dépens des campagnes. D'autre part, se posaient des problèmes de transmission que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Ces problèmes de transmission devenaient d'autant plus aigus que le clergé séculier était mieux formé. Et ces problèmes se posaient même dans la vie quotidienne des simples. Je pense en particulier au problème de la pénitence. Problème de la pénitence, la communion fréquente, c'est très bien. Mais si le peuple est formé imparfaitement à la confession, ne risque-t-on pas des confessions sacrilèges? Et par conséquent, de la fréquente communion, on passe à un enracinement, en quelque sorte, dans le péché. En voulant un bien, on commet donc un mal. Et cela va devenir d'autant plus aigu à partir du moment où, en 1643, paraît un ouvrage fondamental, c'est l'ouvrage d'Antoine Arnauld, « De la fréquente communion », qui s'en prend justement à ces confessions précipitées, suivies de communions également précipitées. De la fréquente communion est beaucoup plus important pour le problème qui nous concerne que l'ouvrage dont Arnauld s'est inspiré, qui est l'Augustinus de Jansénius, que bien peu de gens ont lu, parce qu'il s'agissait d'un énorme volume en latin, et d'un latin assez compliqué. Mais Arnauld alerte l'opinion. Et ça va être l'origine, vous le savez, de la querelle qui va durer un siècle et demi entre jansénistes et moliniste, c'est-à-dire, en gros, les partisans des jésuites. Mais il faut bien voir l'enjeu qui est derrière. L'enjeu, c'est celui de la confession et de la communion fréquente que, justement, à la suite du Concile de Trente, les prédicateurs des missions ont développé, ont encouragé et en ont fait, en quelque sorte, le signe de catholicité. Ce ne fut donc pas par hasard si ce débat intervint au moment où les prêtres séculiers deviennent en état d'accomplir leurs fonctions. Les études de sociologie religieuse qui se sont développées depuis une trentaine d'années en France ont montré, dans d'autres pays, en Allemagne en particulier, ont fort bien montré que de la Flandre au Languedoc, du Poitou au pays rhénan, le clergé s'est considérablement amélioré depuis un siècle. Et nous avons à cela, pour cela, un certain nombre de tests. Le premier, c'est celui des officialités, le nombre de prêtres qui sont poursuivis pour infraction aux règles du célibat, aux règles de la morale, que sais-je. Or, on s'aperçoit qu'à partir de la période 1680-1720, ces infractions qui étaient souvent en 1650 encore de l'ordre de 20 à 25% d'un contingent de prêtres descendent à 5 ou 6%. Encore, ces infractions ne concernent la plupart du temps que des questions d'argent, des dettes qui ne sont pas honorées ou différents d'argent avec les paroissiens. Les visites pastorales qui se multiplient à ce moment-là révèle que les curés savent généralement prêcher, qu'ils font les catéchismes. Certes, ils ne le font peut-être pas avec une régularité que l'on souhaiterait. Catéchisme et prédication se font dans certaines régions, surtout à l'époque du carême, sans qu'on sache exactement si c'est une pénitence que le curé s'inflige à lui-même ou qu'il inflige à ses paroissiens. Alors l'évêque va lui demander donc de faire le catéchisme et la prédication tout au long de l'année. Ils savent généralement confesser, et chose encore très, très intéressante, c'est qu'on commence à voir un certain nombre d'évêques dans les années 1660-1670 qui exigent la possession d'un certain nombre de livres chez le curé. C'est-à-dire qu'on va diffuser une petite fiche, l'évêque un peu janséniste via l'art de Hers à Châlons, va distribuer des fiches avec la bibliothèque modèle du curé, qu'il doit, donc les livres qu'il doit procéder. On va voir aussi apparaître les premiers curés savants. Citons deux noms de l'époque, Jean-Baptiste Thiers, le célèbre auteur du traité des superstitions, ou encore plus avant, Richard Simon, oratorien, le fondateur de l'exégèse moderne. Par conséquent, donc, nous avons un clergé qui est sans commune mesure avec celui qui existait un siècle auparavant. Toutefois, on peut constater que ce clergé est encore globalement arrive dans les cures avec une formation relativement légère en ce qui concerne le séminaire. 8 mois, 1 an de séminaire sont généralement la norme, ce qui est naturellement notoirement insuffisant. Seulement, ces curés se rendent compte de la faiblesse de leur formation et vont tenter de la compléter par ce qu'on appellerait aujourd'hui une formation continue. Ce seront les conférences ecclésiastiques qui, par doyenné, vont se mettre en place, où, sous la direction d'un doyen, on étudie un problème d'exégèse, un problème de théologie scolastique ou morale, et aussi où l'on pose des cas de conscience, et qui permet par conséquent aux curés d'exercer avec plus d'efficacité leur rôle de confesseur. Seulement, cette amélioration du clergé n'implique pas la fin des autres entreprises apostoliques qui ont fait leurs preuves. Et donc, il faut bien se rendre compte du fait que l'amélioration du clergé va aller parallèlement avec l'épanouissement des œuvres que nous avons déjà évoquées, c'est-à-dire les confréries et les missions. Des chercheurs que j'évoquais tout à l'heure, Marie-Hélène Fröschle-Chopard, dans l'étude de ces brefs d'indulgence, constatent que la période 1670-1680 correspond dans toute l'Europe, mais peut-être principalement dans l'Europe de l'Ouest, à un véritable épanouissement du mouvement confraternel. 500 brefs annuels d'agrégation à une archiconfrérie romaine sont enregistrés par ces chercheurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles confréries sont implantées dans les campagnes. Nous voyons donc l'apostolat des campagnes, la période qui s'ouvre 1670 jusqu'en 1770, est marqué par l'apostolat massif des campagnes. Après les villes, les campagnes. Quand on fait un relevé au niveau de la Révolution française, qu'il s'agisse de la Bretagne ou qu'il s'agisse de la Lorraine, 2 à 3 confréries en moyenne par paroisse. Confréries de piété. Par conséquent, donc, une implantation très forte existe. Le mouvement est un petit peu décalé pour l'Allemagne. C'est en 1730-1740 que le mouvement semble atteindre son apogée dans les pays germaniques, mais d'une façon tout aussi forte et tout aussi avec des conséquences tout aussi grandes. Ce mouvement va de pair avec l'accélération des missions. Les missions à partir de 1700 deviennent de plus en plus nombreuses et ces missions ne sont plus des missions ponctuelles, mais elles vont concerner un pays entier. Par exemple, le royaume de Naples, au temps d'Alphonse de Ligorie, ou encore toute la Lorraine, ou encore la Bavière, avec les fameuses missions de Bavière, établies dès 1716 par le duc de Bavière et la Compagnie de Jésus. Donc des régions entières, village après village, hameau après hameau. Il faut bien voir que c'est la raison d'être des rédemptoristes, un apostolat dans les lieux qui jusqu'ici n'étaient pas touchés. Par conséquent, c'est vraiment une œuvre systématique et d'un caractère très différent de ce qui s'est passé autrefois. Il ne s'agit plus de mouvements chocs, comme au temps de Paolo Signori au XVIIe siècle. Il ne s'agit plus de la mission baroque, qui est la mission spectacle, mais il s'agit d'une mission d'approfondissement. D'approfondissement qui fonctionne avec des relais, là aussi. Le maître d'école, élément clé, élément nouveau du XVIIIe siècle, et les pères et les mères de famille. C'est en particulier le cas pour les célèbres confréries qui vont jouer un grand rôle en Allemagne et dans les Pays-Bas, ils sont les confréries de la doctrine chrétienne. Car en arrière-fond de ce que je viens d'évoquer, il ne faut pas oublier un élément capital du XVIIIe siècle, qui n'existait pas au XVIe siècle, c'est la diffusion du livre, et c'est la connaissance de la lecture et de l'écriture, grâce aux maîtres d'école, qui se répandent dans les campagnes, pas dans toutes, l'Italie du Sud y échappe encore, la Bretagne également, mais dans d'immenses régions qui étaient encore au XVIIe siècle analphabètes. Et cela va changer complètement les données du problème. Maintenant, le missionnaire va se déplacer avec un libraire ou avec des ballots de livres et présenter des livres au public pour poursuivre seul les indications, les informations que le curé, que le missionnaire a données au long de sa prédication. Ça peut être des livres très modestes, ça peut être tout simplement un catéchisme de persévérance, comme on disait dans mon enfance. Ça peut être des livrets de confrérie, mais ça peut être aussi des livres de méditation pour tous les jours de l'année, qui sont autant de réflexions qui peuvent être même l'embryon de petits sermons. Et par conséquent, amener, comme le dit un des ouvrages allemands, à faire la Hausmission, c'est-à-dire la mission qui se fait à la maison chaque jour. Mais les missions qui vont se développer, on le voit, vont avoir un but essentiellement d'apprentissage de la doctrine. Et ça va être l'objet d'un type de mission qui, en Autriche et en Bavière, va jouer un rôle considérable, les missions catéchétiques. Les missions catéchétiques, fondées en 1732 par le père Parham, développées ensuite en Bavière. Et ces missions catéchétiques ont pour but, là encore nous retrouvons les relais, de former des catéchistes. De former des catéchistes qui vont apprendre le catéchisme aux jeunes gens et aux jeunes filles, aux enfants aussi. Le missionnaire procède doyenné par doyenné, et quand il a fini de visiter tout un diocèse, il recommence par le doyenné du départ. Et alors là, ce sont les interrogations. On va vérifier si les gens ont bien appris leur catéchisme. Et on raconte qu'on se bousculait au presbytère pour essayer d'écouter les discussions des missionnaires pour savoir quelles questions seraient posées le lendemain de façon à répondre convenablement, parce que les parents étaient tout aussi concernés que les enfants. S'ils ne savaient pas répondre, naturellement, ils faisaient une triste figure. Voilà par conséquent donc un nouveau type de mission, d'approfondissement, et qu'on vient maintenant de se poser la question du résultat. Eh bien, je crois que le terme d'ambivalence vient immédiatement à l'esprit, celui de mon maître Alphonse Dupron, et car le résultat est double. Avec le curé bien formé, des confréries de piété qui encouragent la pratique des sacrements, avec le catéchisme qui est appris selon des méthodes efficaces, c'est la paroisse qui prend véritablement son sens, et c'est pourquoi je parlais de naissance du christianisme moderne. Grâce à ces différents instruments, on construit la paroisse entre 1750 et 1800. Je crois que la période est capitale. C'est à ce moment-là que la paroisse moderne se met en place. Quelquefois plus tard, quelquefois il faudra attendre le milieu du 19e siècle. Au fond, telle qu'elle était souhaitée par le Concile de Trente, il a fallu au moins 2 siècles pour la mettre en place. Mais en même temps que se construit la paroisse moderne, apparaissent des phénomènes qui semblent aller dans un sens autre que le Concile de Trente. J'en évoquerai deux. Qui commande dans la paroisse? Le curé, théoriquement, mais les missionnaires qui passent et qui s'arrogent le droit de questionner les fidèles. Est-ce qu'ils ne contrôlent pas le travail des curés? Et quand en plus ils les confessent, et qu'ils les confessent différemment, accordant plus facilement l'absolution que le curé en place, des problèmes vont se poser. Des conflits, aussi d'ailleurs dans le domaine de la prédication, s'ils prêchent une autre doctrine que celle du curé. Les curés vont bien essayer de contrôler les confréries, mais certaines leur échappent, et en particulier celle des jésuites. Par conséquent, le missionnaire, le religieux directeur de confrérie, apparaît bien souvent au XVIIIe siècle comme le concurrent du curé. Et on peut se demander si on ne touche pas là une des causes, une des sources de l'anti-jésuitisme que Van Dulmen, dans un article ancien, avait fort bien montré, fort bien souligné, en montrant que dans un premier temps, l'anti-jésuitisme est un anti-jésuitisme clérical. Et les laïcs ? Les laïcs sont-ils décidés à être les simples auxiliaires du curé ? Je crois que là, il faut quand même tenir compte d'un fait qui me semble important, c'est que ces missions, avec leur prolongement du livre, vont produire un phénomène considérable d'acculturation des campagnes au cours du XVIIIe siècle. Et vont amener à diffuser la lecture. Mais alors, dans quel sens ? Dans quel sens est-ce que cette acculturation va se faire dans le sens des Lumières, ou est-ce qu'elle va se faire contre les Lumières ? C'est là un problème que j'étudie tout de suite avec quelques étudiants, parce que on peut se demander si les idées nouvelles développé en particulier par quelqu'un comme Muratori, de la Regolata Devotione, milieu du XVIIIe siècle, ou plus tard, 40 ans, 50 ans plus tard, par Seller, Johann Michael Seller, dans son Gebetbuch, si ces idées pénètrent dans les petits ouvrages qui sont proposés par les missionnaires aux paysans. Est-ce qu'il y aurait par conséquent donc un phénomène comparable à ce que les Allemands connaissent bien pour le protestantisme, qui est celui de la popular philosophie ? Popular philosophie qui, à partir des années 1780, se développe dans les pays protestants. Est-ce que, mais c'est une hypothèse, une question, est-ce que par le biais de ces ouvrages, répercutant peut-être des ouvrages des Lumières, nous avons une populaire philosophie catholique. Mais ça peut très bien être dans un sens inverse. Les ouvrages, les petits ouvrages, du moins certaines listes dont nous disposons, nous montrent que c'est souvent avec beaucoup de retard que les textes arrivent dans les campagnes. Ce que l'on va diffuser encore au XVIIIe siècle, c'est Pinamonti, c'est-à-dire le compagnon de Paolo Signori, et donc le catéchisme et l'enseignement pur et dur, je dirais, du Concile de Trente. Alors, du coup, on va risquer de trouver une sorte de déphasage entre le clergé des Lumières en place dans certains diocèses, les évêques qui vont essayer de diffuser un nouveau rituel, un nouveau catéchisme, et ce que les paysans ont entre leurs mains. Et alors, ce problème, eh bien, il va éclater, quelquefois, à la faveur de ce qui nous paraîtrait une broutille, lorsque l'évêque, comme c'est arrivé dans les années 1785 dans le diocèse de Hildesheim, mettre en place un nouveau livre de cantiques, de véritables révoltes ont éclaté contre ces nouveautés. Et vous avez tous en mémoire ces révoltes des paysans du Vorarlberg lorsque Joseph II veut supprimer les confréries, veut supprimer les pèlerinages et introduire son catéchisme. Par conséquent, cette acculturation dans les campagnes peut jouer dans un sens, peut jouer dans un autre. En conclusion, on doit constater que la réforme de la pastorale voulue par le Concile de Trente n'a vraiment été réalisée dans toute son ampleur et dans toute sa force qu'au bout de deux siècles. C'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque la vie religieuse est désormais parfaitement organisée dans le cadre paroissial, et ce aussi bien dans les villes que dans les campagnes les plus reculées, que le programme de réforme voulu par les pères de Trente est devenu presque partout en Europe une réalité. Dans l'accomplissement de cette œuvre, le rôle des grands ordres de la réforme catholique, les jésuites en particulier, a été considérable. Ils se sont vite rendus compte de la nécessité de relais pris soit dans le clergé séculier et surtout parmi les laïcs pour faire passer le message chrétien. Mais ces prêtres de campagne, ces hommes et ces femmes, confrontés souvent aux dures réalités de la vie quotidienne, ont apporté leur contribution à l'enseignement qu'on leur demandait de transmettre. Ils lui ont donné aussi chair et vie. Ils l'ont fait avec leur culture, qui était pour une part celle qu'ils avaient apprise dans le catéchisme, mais aussi celle que leurs parents leur avaient transmise. Celle à laquelle ils étaient attachés avec ses processions rituelles avant la mission, avant la moisson, avec ses pèlerinages thérapiques, avec les grands recours pour tous les malheurs de l'existence. Au terme de l'évolution, n'était-on pas bien loin du Concile de Trente et de l'esprit qui animait ses participants ? Peut-être, si on envisage les choses avec la rigueur du juriste. Mais on peut considérer aussi que l'essentiel du Concile de Trente était d'engager une dynamique et qu'il est dans la logique de toute vie, y compris la vie chrétienne, d'évoluer. Je vous remercie. Allora ringraziamo appunto, credo tutti, il professor Chatelier per questo affresco così profondo e nello stesso tempo largo che ci ha dato su questo nuovo cattolicismo moderno, importante affrontare proprio in questo momento. Direi quasi della settimana, insomma, ecco, prima di sviluppare poi le singoli problemi e singole metodologie. Ecco. Adesso abbiamo 20 minuti per la discussione. Il professor Reinhardt si è già iscritto. Est-ce que je peux poser mes questions en allemand? Oui. J'ai essayé de parler lentement. Ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf eine ganze Fülle von Dingen, die man missionarische Strategie nennen könnte. Sie haben es selbst so genannt. Ein Teil davon ist möglicherweise nicht bewusst geschaffen worden, etwa die geografische Verteilung der Kollegien. Ich weiß nicht, ob das geplant war. Aber andere Dinge waren geplant, etwa, das haben Sie gesagt, die Städte, die Konzentration auf die Eliten, dann die Spezialisierung von Kongregationen für verschiedene Berufe, dann die Einführung der Gewissenserforschung, die Schulung in der Introspektion oder etwas völlig anderes, diese, wie Sie auf Deutsch sagten, die Rottmeister, was man, glaube ich, in der alten DDR die Blockwarte genannt hätte oder so, nicht? Also mit anderen Worten, eine ganze Menge von Dingen, die ich jetzt ohne weiteres unter dem Oberbegriff Rationalisierung im Sinne von Modernisierung zusammenfassen möchte. Die Frage wäre, wie weit sind diese Dinge neu und wo kommen sie her? Ist das von den Jesuiten in erster Linie erfunden worden oder gibt es mittelalterliche Vorläufer? Mit anderen Worten, ist das Moment der Strategie, strategische Planung von Mission, von religiöser Aktion, ist das etwas Neues, das nur modifiziert wird oder gibt es da Vorläufer? Ich meine, nicht das Einzige, was ich weiß, ist, dass Raimundus Lullus im 14. Jahrhundert so etwas wie Missionstheorie gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, ich fürchte nicht. Und die andere Frage ist sehr einfach, aber sehr schwierig. Was hat das alles, was Sie uns so eindrucksvoll geschildert haben, mit dem Konzil von Trient zu tun? Es kommt mir vor, beinahe gar nichts. Bon, l'évolution, elle est évidente. Elle est évidente. La stratégie n'est pas, il y a la stratégie d'Ignace de Loyola, et puis en fonction des différents milieux, en fonction aussi, bon là je n'ai pas eu le temps de le développer, mais des différents missionnaires, mais aussi les constitutions de la compagnie à la fin du XVIe siècle vont donner un ton différent par rapport à ce qui était prévu par Ignace. Par conséquent, donc, il y a une évolution qui va se perpétuer au cours du XVIIe siècle. Et dans cette évolution, le rôle de plus en plus des individus va être capital. Julien Monnoir invente carrément la mission bretonne. Paolo Signori invente aussi une forme de mission. Et en Suisse, Maillardot s'en invente une autre. Quelquefois, des rameaux ne vont pas, certaines inventions ne vont pas subsister. Quelquefois, au contraire, elles vont être reprises et se développer. Ça, c'est l'organisation de la Compagnie de Jésus qui fait que lorsque quelque chose fonctionne en un endroit, on avertit les différents provinciaux qu'il y a une entreprise qui est efficace, qui rend des services. Par exemple, la mission italienne de Paolo Signori va être développée en Allemagne. Par conséquent, donc, c'est un petit peu, on ne peut pas parler d'un moule fixe, mais à partir des directives d'Ignace, il y a une constante efflorescence, une constante évolution. Et pour répondre à votre seconde question, je crois que c'est la même chose pour les conciles de Trente. Le concile de Trente donne des principes, et puis il y a l'interprétation sur le terrain, et c'est finalement le terrain qui l'emporte, c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est finalement la loi de la nécessité de la pastorale, et puis ce qui échoue, on le laisse tomber, et ce qui fonctionne, il est utilisé à plus grande ampleur. Par conséquent, je crois que le Concile de Trente a joué un rôle essentiel d'impulsion, mais l'interprétation revenait à ceux qui faisaient le travail et qui étaient sur place et qui prenaient des initiatives. Et je crois que, naturellement, effectivement, au bout du compte, on arrive à une situation qui apparaît très peu conciliable avec, quelquefois assez différente avec, par rapport au Concile de Trente, mais c'est quand même le Concile de Trente qui a impulsé, et en coordonnant d'ailleurs un certain nombre d'initiatives antérieures, comme j'ai essayé de le montrer. Ça communique pas, aussi. Herr Reinhardt, wenn ich dazu die Frage, ob das also mittelalterliche Traditionen hat, etwas einbringen darf. Ich glaube, und darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, es ist zumindest für Mitteleuropa notwendig, sich die Protestanten anzusehen. Die machen das ja ganz genauso. Und es ist die Frage, machen sie das vor oder läuft das nicht parallel? Und ich habe den Eindruck, das läuft sehr parallel und kommt alles aus einer moderneren, wenn wir so sprechen wollen, Pädagogik. Also die Katechisierung, die über den Katechismus läuft. Natürlich ist der kanisianische Katechismus aufgrund der lutherischen Katechismen entstanden. Aber wie er verbreitet wird, wie er gelehrt wird, das ist dasselbe. Bei den noch nicht Alphabetisierten läuft das über die fünf Finger. Und zwar sowohl bei den Katholiken wie bei den Protestanten. Das haben wir bildlich dargestellt. Da gibt es ganze Reihen davon, wie das läuft. Und zwar bei den Katholiken auch schon im 16. Jahrhundert. Die Beichte, sie wird gelehrt über die fünf Finger. Man kann das ganz genau draufschreiben. Man braucht also das gar noch nicht zu lesen, nachzulesen. Man kriegt das eingebläut, würden wir heute sagen. Und die Abfragerei, von der Sie sprachen, die ist ja bei den Protestanten institutionalisiert. Die protestantische Beichte ist eine Katechismusabfragerei bis zum heutigen Tag. Es muss der Glauben nicht nur bekannt, sondern gekannt werden. Und er wird also vor der Absolution abgefragt. Bei den Skandinaviern, wo ja der evangelische Pfarrer sozusagen der Verwaltungsbeamte und daher die Kirche dazu beliebt ist, da kennen wir aus dem frühen 19. Jahrhundert sogar Bilder, wo er in Uniform, also als Staatsdiener, die Osterbeichte abnimmt. Und das heißt, er fragt ab, ob die Bauern ihren Katechismus kennen. Da kommt einer nach dem anderen und muss das runtersagen. Und das ist ja genau das, oder im 18. Jahrhundert wird bei den Protestanten die Konfirmation eingeführt. Der Hauptakt ist bis zum heutigen Tage der Tag vor der Konfirmation, wo sie alle gefragt werden, was sie können. Und das wissen die ihr Lebtag noch nachher, welchen Spruch sie hatten, was sie gefragt worden sind, ob sie richtig geantwortet hatten. Es ist also auf beiden Feldern, so will ich meinen, diese Didaktisierung, Pädagogisierung und diese, ja, Sie können es negativ nennen, Indoktrination, dieses tägliche Abfragen, gegeben. Und da scheinen mir die Vorbilder, diese Parallelität zwischen protestantischer Schulung und zwischen katholischer Katechisierung, die da mehr über die Mission läuft. Aber ja, das Nächste, was nachher im 19. Jahrhundert immer ausgebaut wird, auch diese Parallele ist, glaube ich, wichtig, bei den Jugendlichen. Das läuft natürlich im 19. Jahrhundert über die Volksschulpflicht und da über den Katechismusunterricht, den Religionsunterricht, der ja wichtiger ist als Rechnen und Schreiben, auch noch in Bayern, über das Innenministerium und so weiter. Aber das, was wir heute Berufsschulpflicht nennen, also diejenigen, die bis zur Endausbildung als Geselle, also bis zur Gesellenprüfung, heute noch Berufsschule treiben müssen, die mussten ja früher sonntags bei den Protestanten in die Sonntagsschule, bei den Katholiken in die Christenlehre. Und das ist nichts weiter als Katechismusunterricht. Grazie. Una domanda a questo, un codicillo. Ecco, sulla cronologia nei vari paesi europei, siccome il professor Châtelier, vous avez étudié toutes les régions de l'Europe, on peut dire, oui, vous avez un panorama. Et je me demande s'il y a une chronologie uniforme ou il y a des différentes chronologies dans ces développements. À l'intérieur des pays catholiques et aussi à l'extérieur dans les pays d'expérience luthérienne. Alors, pour prendre la première question du parallèle entre les deux confessions, bon, j'avoue que dans mon exposé, j'ai exclu ces missions qui se faisaient en pays de frontière de catholicité. Parce que ça, c'est un autre problème, effectivement, très important, que j'ai étudié en Alsace, où il y a un jeu d'influence et de réaction. Il faut dire aussi que ce n'est pas toujours en parallèle, parce qu'il y a, je vois pour l'Alsace, que je connais bien, une volonté d'afficher son catholicisme, en particulier dans tout l'aspect que vous connaissez bien des fêtes, par exemple, fête du Corpus Christi, qui est fêtée d'autant plus fermement que l'on est en pays de frontière de catholicité. Donc ça joue aussi quelquefois sous la forme d'un parallèle, mais aussi d'une contestation. Vous me direz que la contestation, elle vient aussi de l'émulation qui est produite par une doctrine, par des pratiques qui se faisaient à côté. Alors, le problème des pays dits de frontières de catholicité, la Franconie, Frankenlou, vous venez, et l'Alsace, est un problème effectivement important, mais je n'ai pas voulu l'aborder et simplement parler des missions intérieures, parce que là nous nous situons dans un contexte différent, celui des problèmes, celui des pays de frontières. Cela dit, ce que vous avez dit, j'y adhère complètement, hein, il y a effectivement une émulation, on pourrait dire, entre les deux confessions, avec naturellement un aspect chronologique que vous avez aussi fort bien marqué, c'est que on dit généralement en France que le maître d'école précède le pasteur dans les églises protestantes. Ça n'a pas été le cas dans les pays catholiques, puisque finalement ce maître d'école en Bavière, on le voit apparaître avec 2 siècles de retard par rapport aux pays protestants. Donc là, il y a effectivement, du point de vue chronologique, quelque chose de différent. Seulement, en étant conscient du fait que ce n'est pas simplement la chronologie qui est en jeu. C'est que lorsque, dans les pays catholiques, on arrive à cette acculturation massive, le monde a changé. Le monde a changé. L'école de village, au XVIIIe siècle, elle se fait dans un cadre qui est différent de celui du XVIe siècle. Et par conséquent, ce qu'on va apprendre et les réactions du peuple vont être différentes. Vous comprenez, ces missions catéchétiques que j'ai évoquées, elles se terminent comment en Bavière en 1780? C'est tout simplement parce que il y a des laïcs qui se lèvent et qui disent « on n'est pas d'accord avec ce que vous dites ». Et ce n'est pas comme ça. Hein. Et les jésuites ils sont plus jésuites à ce moment-là, mais ce sont d'anciens jésuites, ils se retrouvent devant des salles vides. Hein. Et il y a un véritable boycott de la population qui en a assez d'être traités comme des petits garçons, comme des petits enfants. Donc là, on voit l'esprit des Lumières là, qui intervient. Hein, cette volonté de participer, de contester. Hein, de contester. Et les missions vont être supprimées en Bavière en 1784. Les missionnaires indiquent « je n'ai plus personne, c'est fini ». Alors vous voyez, je crois qu'il faut tenir compte quand même d'un climat hein, qui est autre. Alors, donc ça m'amène tout simplement à votre question. Alors, on peut la prendre des deux côtés, d'un point de vue strictement formel. Effectivement, ne serait-ce que pour l'Italie, le décalage extraordinaire qu'il y a entre l'Italie centrale et du Nord, avec les missions de Paolo Signori, et ce que trouve... et ce que va trouver Liguori à la fin du XVIIIe siècle, et on s'aperçoit qu'on fait, Gabriele De Rosa l'a montré, que ce n'est pas fini, et que la paroisse, justement, n'est pas encore structurée, n'existe pas. Il y a un article célèbre de Gabriele De Rosa là-dessus, que la paroisse n'existe pas en Italie, les fameuses paroisse, et qui sont encore la propriété de famille, hein, et qu'il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que les paroisses soient constituées en Italie du Sud. Donc il y a des rythmes qui, et en France c'est net aussi, hein, suivant les régions que l'on étudie. Par conséquent, il n'y a pas de chronologie, bien sûr, il y a des décalages. Seulement, il fallait bien quand même que je montre les grandes étapes, oui. Même en sachant qu'il y a des exceptions qu'il y a des exceptions, qu'il y a, je l'ai indiqué par exemple pour les confréries. Alors le cas de l'Allemagne est naturellement très intéressant parce que est-ce qu'on peut parler d'un mouvement ample de contre-réforme avant 1700? Il y a quand même le problème de la guerre de 30 ans et de ses suites. Au moment donc où la contre-réforme est déjà, on pourrait dire, à un rythme établi en France. Oui, oui, mais seulement pour provoquer la discussion. En Italie, on peut schématiser comme ça une réforme épiscopale dans les années immédiatement après le Concile de Trente, dans la seconde moitié du VIe siècle. Et après, dans le XVIIe siècle, une christianisation fondée sur les missions et sur les ordres religieux. Il y a deux chronologies différentes, je crois. Ouais. C'est seulement un schéma. Ouais. Il y a cette différence. Succession de ce type, par exemple, pour la France ou... Pour la France. Oui. Une réforme épiscopale, de quelque manière, et une réforme des ordres religieux, fondée sur les missions, sur le rural. Non, c'est moins net. C'est moins net en France. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au contraire, il y a une sorte, à partir du XVIIe siècle, de mouvement commun où il y a l'amélioration du clergé, il y a des missions parallèlement. Mais ces étapes si tranchées... C'était seulement une provocation pour... Ouais. Il me semble qu'il y a eu, après les conciles, une étape épiscopale. Oui. Les conciles provinciaux et toutes ces choses-là, oui. Très fréquentes. Et... Oui. Oui. Ça existe aussi pour la France. Hein. Ça existe aussi pour la France. Mais là, naturellement, il s'agit de s'entendre un peu sur ce qu'on entend par pastoral et ce qu'on entend par société. Le synode, c'est quand même destiné au clerc. La répercussion sur les fidèles n'est pas... Alors j'ai écarté cet aspect qui me semble un aspect intérieur dans l'Église important, mais qui, en ce qui concerne la pastorale des fidèles, n'a pas une incidence immédiate. Oui. Professeur Corrent. Ich habe auch zwei Fragen oder eine Bemerkung und eine Frage. Und zwar haben Sie auf die Bedeutung der Frauen in der Pfarrseelsorge hingewiesen. Und ich denke, man müsste auf jeden Fall auch die Ursulinen erwähnen, von denen haben Sie nichts gesagt, die ja auch im Katechismusunterricht, vor allem in Frankreich, sehr aktiv waren, also die Ursulinen. Andererseits haben Sie die Fille de la Charité besonders genannt. Und da frage ich mich, sind die so typisch? Soweit ich weiß, waren die im 17. Jahrhundert vor allem in der Krankenpflege aktiv. Und Krankenpflege ist eigentlich nicht das Typische, was die, wenn man es vergleicht mit Seelsorge oder mit Apostolat, mit dieser eher intellektuellen Glaubensvermittlung, egal auf welchem Niveau. Also das ist die eine Sache. Das andere, am Schluss sagen Sie ziemlich optimistisch, die Entstehung der modernen Pfarrei, in der es den Laien erlaubt wurde, mehr Einfluss zu nehmen. Und ich frage mich, ja, faktisch, die Laien haben mehr Einfluss, aber immer unter Aufsicht des Klerus. Und dies ist doch eine Sache, die auch mit Trient zusammenhängt, die starke Klerikalisierung. Die Laien haben im Vergleich zur vortridentinischen Zeit eigentlich weniger selbstständige Möglichkeiten. Also Laienengagement ja, aber immer nur, wenn ein Kleriker die Aufsicht hat und das auch gutheißen will. Oui, je vous remercie de ces deux questions. Alors, effectivement, le rôle des femmes. Le rôle des femmes. Le cas des filles de la charité. Ce que l'on pourrait dire, d'ailleurs, de tous les ordres féminins sur lesquels on commence à beaucoup travailler en France. Il faut bien voir qu'il y a un problème canonique considérable, c'est le décret sur les moniales du Concile de Trente. C'est-à-dire que les femmes en religion doivent être cloîtrées. Ça va être le problème essentiel pour François de Sales. François de Sales qui crée l'ordre de la, avec Jeanne de Chantal, l'ordre de la Visitation, et son intention est bien d'en faire un ordre apostolique. Il y a l'impossibilité. Et on va trouver la même chose avec Pierre Fourier, qui veut aussi un ordre apostolique. Ça n'est pas possible. On va trouver la même chose avec Vincent de Paul. Et donc, il faut penser, il faut voir que il y a à ce moment-là deux solutions. Ou bien les religieuses ont effectivement un statut de religieux. Pierre Fourier va opter pour la congrégation, pour les chanoinesses de Saint-Augustin, ce qui leur permet un peu, hein, comme elles sont chanoinesses, de faire un peu d'action en dehors d'eux, mais pas beaucoup. D'autres vont leur laisser un statut, c'est pour ça qu'on les appelle filles, elles ne sont pas des religieuses, elles ne deviendront religieuses au sens canonique du mot qu'au XIXe siècle, qu'on fait la thèse de Claude Langlois. Elles sont dans un statut donc qui est assez ambigu du point de vue et qui pose des difficultés. Pour se faire admettre, elles doivent avoir cette option, le côté charitable, mais ça n'empêche pas soit l'éducation, soit la charité, un rôle apostolique. C'est une façon, elles sont ainsi, elles ont leur place dans la société, elles sont reçues dans la société, mais elles ont néanmoins une fonction missionnaire seconde, on pourrait dire. Fonction missionnaire, un peu de répétition, naturellement, elles répètent les leçons, elles ne sont pas missionnaires proprement dites. J'en viens à votre seconde question sur la paroisse. Vous avez parlé effectivement de la radicalisation. J'abonde dans votre sens assez souvent, mais là il y a un problème de chronologie. Pour la France, c'est très net. Il va y avoir une cléricalisation beaucoup plus forte qu'autrefois après la Révolution française. On assiste à une reprise en main du clergé, mais c'est beaucoup moins net au XVIIIe. Hein? Les choses sont encore assez informelles et assez floues. Mais il est certain que l'événement révolutionnaire, alors là pour l'Allemagne, je ne pense pas que ça soit une coupure aussi forte, mais pour la France, l'élément révolutionnaire va être capital. Il faut tenir compte aussi du fait que beaucoup de clercs sont inquiets, avant la Révolution française, du rôle des laïcs et de cette émancipation que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, lorsque on intervient dans un sermon. Oui, la dernière question, seulement, bref. Venez. Je j'en ai une seulement. Vous avez parlé assez peu des pèlerinages. Alors, reçoivent-ils des fonctions nouvelles? Est-ce qu'il y a eu un renouveau de certains lieux lointains de pèlerinage comme Rome ou Saint-Jacques? Et crée-t-on beaucoup de nouveaux lieux de pèlerinage dans les différentes régions? Peut-être qu'il faut demander l'autre question. Oui, et l'autre question. C'est pas vraiment le même champ, mais je reviens à la question de Reinhard et à ses catégories. Vous avez mentionné la stratégie d'Ignace. En même temps, vous avez constaté qu'elle n'a pas été appliquée. Y a-t-il eu des affrontements ou des contestations entre les gens qui travaillaient sur le champ, qui ont dit « nous connaissons notre paroisse, nous savons comment faire » et les stratèges, pour ainsi dire, les théoriciens qui ont un programme, qui pensent avoir un programme qu'on pourrait imposer. Après tout, on pourrait s'imaginer que chez les jésuites, ils ont les moyens pour discipliner leur monde. À l'intérieur de la compagnie. À l'intérieur de la compagnie, oui. Bon, alors les pèlerinages, absolument d'accord avec vous, le pèlerinage sera très souvent un lieu de mission. C'est-à-dire que les missionnaires vont utiliser les anciens pèlerinages pour en faire des missions, parce que très souvent c'est là que confluent la population. Et alors on va voir les pèlerinages évoluer. C'est le cas des pèlerinages bretons, c'est le cas des pèlerinages alsaciens, mais aussi les types de pèlerinages vont évoluer. C'est-à-dire que certains pèlerinages à dessein thérapeute vont être mis de côté au profit des pèlerinages de la Vierge qui vont naturellement rencontrer la faveur des missionnaires. Il est intéressant de voir que dans la stratégie des jésuites, justement, entre la volonté de prendre en charge des pèlerinages et le nom du missionnaire qui a pris en charge ce pèlerinage s'appelle missionarius. Donc c'est très net. En ce qui concerne contestation sur la stratégie, oui et non. La compagnie est plus souple qu'on l'imagine quelquefois de l'extérieur. Il est certain, naturellement, qu'il y aura des avis différents, que certains projets ne seront pas admis. Quelque chose qui m'apparaît très important et qui n'a pas eu de suite, et ça je rejoins la question de madame, c'est le problème des femmes. Les congrégations mariales, est-ce qu'il y aura des congrégations mariales de femmes? Voilà quelque chose qui n'avait pas été réglé par Ignace, qui n'avait pas été réglé par ses successeurs immédiats. Et Canisius a pris sur lui-même d'en créer à Fribourg, en Suisse. Celle-là, elle s'est maintenue. Mais les autres ont été supprimés par Aquaviva, hein, et les autres, il y a eu beaucoup d'essais à la fin du XVIe et au cours du XVIIe siècle. Et là, ce sont les général de la Compagnie de Jésus, qui a dit, nous n'avons pas à nous occuper des femmes, laissez-les aux curés de paroisse. Et éventuellement, vous pouvez y faire de temps en temps des prédications. Alors, voilà un cas, mais pour la mission, c'est beaucoup plus souple, il y a la volonté. Vous voyez, je n'ai pas dit que les principes d'Ignace n'avaient pas été adaptés. Hein. Il dit préférer un grand pays, préférer un prince puissant. Donc, il montre très bien la politique des jésuites qui est une politique d'adaptation. Et finalement, ensuite, on peut très logiquement se réclamer de jésuites, d'Ignace de Loyola, en adaptant au pays, à condition naturellement que ça soit autorisé par les supérieurs. Cela dit, ça n'empêchera pas des tiraillements. Hein. Je l'ai évoqué tout à l'heure, les débuts des congrégations mariales, certains jésuites considèrent qu'il n'y a pas à faire de simples laïcs des missionnaires. C'est dangereux. Là, nous avons une contestation, mais vous voyez que les supérieurs ont été là aussi très souples. Sur ce plan-là, on a laissé en quelque sorte le provincial juge en fonction des situations. Il n'y a que sur le cas des femmes où il y a eu une interdiction et un avis très net. Bien, siamo arrivati al limite massimo della discussione, appunto, per questo.